Tortoli et Art Attack tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Bonjour tout le monde. Yeah, salut. Salut, c'est Tortoli et Art Attack. Vous écoutez Radio Panique sur le 105.4 à Bruxelles ou www.radiopanique.org. L'émission, comment vas-tu, l'émission musicale la plus fraîche de la bande FM. Art Attack, comment vas-tu? Bah ça va, un peu en cruc and cruc. Tu nous couves un petit... Disons que j'y étais un peu violemment ce week-end. Voilà. Et on a du mal à s'en sortir, on n'est plus tout jeune. Et toi, ça va? Ouais, tranquillement. Mais bon, on va pas parler de notre état de santé longtemps, étant donné qu'on a une grosse émission qui arrive. Parce que le week-end dernier, on s'est fait zizir, comme on dit chez nous. Enfin, ça, c'est, je te garde ça pour l'expression de la semaine. Dans le sens où on est allé vendredi soir au VK faire quoi? Interviewer La Caution. Nos amis de La Caution. La Caution, groupe hip-hop français qui a à sa manière révolutionné le hip-hop en France, voire en Europe. Un des rouages de la révolution. Exact. Oui, La Caution, dont la petite touch est de mixer le rap avec des instrus électro, principalement. Un petit peu dans la verve de TTC. Club des Losers, tout ce crew un peu parisien, etc., qui sont en bis-bis avec Kurt Rajmé, qui La Caution avait assuré d'ailleurs la BO du film Chétan de Kim Chapiron. Mais ne nous en dis pas trop, on va... Voilà, on n'aura pas que ça, hein, donc ça va nous occuper une bonne partie de l'émission, mais il y aura aussi, comme d'habitude, l'agenda culturel, l'expression de la semaine, et on va tout de suite passer au générique, et puis on reviendra juste après avec l'interview de La Caution, Nick Fury. Yes, c'est parti, Tortoli Art Attack, tous les mardis, 17h, 18h. Brau! Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir. Tolly et Arbatax se portent garant pour La Caution. Oui, c'est une émission spéciale La Caution. À coup d'interview, gros son et surprise. Hey, hey, donc vous écoutez Tortoli Arbatax, c'est une spéciale La Caution. Yes. Exact, avec cette petite instru. T'es à la menthe. T'es à la menthe, voilà. Un des gros tubes de La Caution. Caution. Qui les a fait connaître, et alors ce morceau-là particulièrement internationalement, puisque on retrouve ce morceau sur la bande originale de Ocean's 12, dans lequel jouait Vincent Cassel, et Vincent Cassel a dû sûrement glisser un petit texto, un petit SMS au réalisateur, et puis ce morceau terrible, hein, qui s'est retrouvé donc dans la BO de ce morceau, de ce film. La BO de ce morceau qui s'est retrouvé dans la BO de ce morceau. Je suis en Krug & Krug, je l'ai dit. Exactement. Je l'ai annoncé. Alors, on s'est retrouvé donc, comme on vous l'a dit, vendredi au VK à Molenbeek. On a réussi à récupérer quelques palabres de notre ami Nick Fury de La Caution, qui nous parle de La Caution, qui nous parle de musique en général, de hip-hop, de la musique en ce moment. Et très bavard, Nick Fury d'ailleurs, très bavard. Et on n'a pas eu le temps de lui poser toutes les questions qu'on voulait, mais c'est toujours comme ça. C'est pas grave, donc on va... En même temps, on était bien content de le rencontrer. C'est vrai que on n'a pas eu le temps escompté prévu initialement, mais peu importe, on a quand même réussi à avoir quelques infos. Vous allez en savoir plus tout au long de l'émission. Mais avant de commencer cette émission, on peut peut-être revenir sur une de nos... Attaquons tout de suite avec les choses qui fâchent. Une de nos pages... Une de nos chroniques. Une de nos chroniques essentielles de cette émission Tortoli Arbatax, à savoir l'expression de la semaine. Exact, exact. Qui dit expression de la semaine dit générique, ou plutôt jingle. Envoie. Quelle chronique, c'est l'expression de la semaine. Bien ou bien, tranquille mimille, oui oui. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, on attaque direct avec les résultats de la semaine dernière. La semaine dernière était opposée, si je me rappelle bien, tu l'as dit Bouffi. Yes, à Chanchan. À Chanchan. Tu défendais pour ta part, tu l'as dit Bouffi. Voilà, moi j'avais trouvé cette petite expression rigolote, tu l'as dit Bouffi. Toi t'étais sur un Chanchan qui venait de méchant, chamé. Voilà. Cool. Et si on regarde notre page Facebook, la page Facebook de l'émission, je rappelle, Facebook/ Tortoli Arbatax, enfin bref, vous trouvez ça facilement. Si on regarde les scores, on en est à... Ah oui, je sais. 2 je... ah, oui. Pour Chanchan et 1 pour tu l'as dit Bouffi. Voilà, à savoir. Damn. Donc résultat, jeune Sakomano dirait une gifle. Une gifle. Attends, n'en fais pas trop. 2-1. Un 2-1, c'est pas une gifle. 2-1, donc voilà. C'est une bifle. Si on regarde le classement général de après cette journée, le classement général total, nous donne un 3-2. Étant donné que la semaine dernière on a gagné tous les deux et la semaine d'avant j'avais marqué un point. On est à 3-2. D'accord. Non, 3-1. D'accord. 3-1. J'accepte le 3-2. Ah, ils disent rien. Oh la vache. Oh l'enfoiré aussi. 3-1, bah autant dire que je prends l'arme. Bah merci en tout cas à ceux et celles qui ont voté. On vous rappelle que vous pouvez voter via le Facebook ou via notre adresse mail tortoliarbatax@gmail.com. Tortoliarbatax en minuscule tout attaché. Et puis on va tout de suite lancer l'expression de la semaine. L'expression hebdomadaire. Ouais voilà. De cette semaine, alors Arbatax, toi tu auras défendu quelque chose. Ouais, dans le métro en venant, je me suis souvenu d'un petit truc. En France, on a tendance à dire faire la queue, pour ce qui signifie faire la file en fait en Belgique. La chanson à la queue leu leu n'est donc pas possible en Belgique puisqu'on dit la file. Et donc, on va dire la filili ici. La filili pour toi. La filili. Ah, la filili. Ah, la filili. Ah, la filili. Enfin, vous voyez le délire. J'applaudis. Voilà, c'est donc une sorte d'adaptation belge de la queue leu leu. C'est la filili. Voilà pour moi. Pas mal. Je t'attends. Laisse-moi encore réfléchir. Juste avant, je m'en souviens plus, j'avais sorti un truc pendant l'intro. À savoir zizir, qui vient du terme plaisir, ouais, que ouais. On peut raccourcir sur ça fait zizir. Ça fait zizir. Sur voilà, pour dire quelque chose qui nous va bien, quelque chose dont on est content, dont on est fier, dont on a envie de parler. Ça fait zizir. Voilà. Bien. Par bien. Exemple, cette interview de la caution qui va venir juste derrière, franchement, ça m'a fait zizir de la faire et ça me fait zizir également de. Elle fait zizir. De la vrai. Passer juste après. Donc on va tout de suite se retrouver au VK avec notre petit recorder Tortoli Herb Attax en face de Nick Fury. Nick Fury qui était un petit peu malade mais qui a quand même accepté de répondre de à nos questions. Se prêter au jeu des questions. De Tortoli Herb Attax. Donc voilà, et il va commencer par une présentation un peu, enfin il va nous dire un, peu, si, un peu de Bruxelles et des groupes qui faisaient sa première partie. Voilà. Et puis on se mettra un petit morceau de la caution. Juste derrière. À point nommé, juste derrière. Herb Attax, Tortoli, enchanté. Nick Fury. Première impression, déjà, t'es à Bruxelles, c'est la première fois. Vous êtes déjà venu, comment ça se passe? Non, à Bruxelles, on est venu pas mal de fois. En Belgique, tout court, hein, je crois qu'on a même fait 3 fois Dour. On a un peu été rodé à Bruxelles, on a fait plusieurs salles. Du coup, Bruxelles, c'est une ville qu'on connaît plus assez bien pour une ville qui n'est pas la nôtre. Mais c'est la première fois au VK et ça a l'air, la salle a l'air cool. On va voir ce que ça donne ce soir, quoi. Yes, carrément. Et tu connais niveau groupe la scène bruxelloise juste avant là? Non, je découvre. Je connaissais RDMC parce qu'on s'était déjà justement croisé sur des trucs qu'on avait dû faire avec Starflame à l'époque. Ouais. Mais on découvre vraiment leur nouvelle formation et tout ça. Et c'est bien de voir que voilà quoi, le truc c'est pas tari à Bruxelles en tout cas et continue de fédérer des jeunes autour du hip-hop et c'est cool, c'est toujours agréable de voir ça. Sans transition, on peut passer à autre chose. Les gars, vous avez sorti 3-4 albums, 4 albums je pense. 3. Rien qu'à vous. Non, rien qu'à nous, 2 albums. 2 albums. Après avec les cautionneurs, on a sorti un album. Et si tu veux, on a 2 albums. Un album de remix avec un DVD et un disque avec l'Armée des 12 avec TTC et Saphir. Et un album commun avec Château Flight, enfin un EP commun avec Château Flight qui est un groupe de house, on va dire ça comme ça, house électro, qui s'appelait Crash Test. Ouais. Voilà. Quoi que tu dises, j'ai l'impression que ça tourne en boucle. Quoi que tu dises, j'ai l'impression que ça tourne en boucle. Quoi que tu dises, j'ai l'impression que ça tourne en boucle. Il se cache parmi nous, parmi nos stades, compte son cash par millions, par ego flash. En filigrane, en voyant toute sa maille par télégramme et les drames qui n'épargnent personne, ni les trames, ni les femmes, ni les braves, ni les carrés, ni les âmes, ni les crânes rasés, ni les sous-sous, ni les barges, ni les mal parés, ni les mal mariés, ni les malvades, ni les arnaques. Je ne vais pas varier sur la bague sans gilet pare-bras. Toxicomane de la nicotine, prix des cigarettes augmente sans cesse. Je prends de l'oxygène, je suis immobile, je ne dis pas bête qu'on pense qu'on pèse. Interdit bancaire depuis quelques temps, le stress me suit. Interprète le geste de fuir qu'on incarcère dans l'ivresse de vivre. Il me faut l'aide médicale gratuite, j'ai mal aux dents, mal au crâne et mal au ventre, s'il te plaît. Nique ça rhume, les crises de nerfs, le verse vite se paye. Je verse des litres de tease et de tristesse dans les sillages de mes pillages, pillages de billets dans mes synapses, synapses à pillage. Hier c'est comme demain, je viens, je deviens les gens. Je bleue, je suis sur un socle seul, je resterai intact. chaque jour ça commence par une overdose de caféine, quelques clopes et des pensées sombres en cycle continuel qui se compte comme les gens parlent comme un sampleur. Les gens parlent comme un sampleur. Les gens parlent comme un sampleur. Qu'est-ce que tu disais quand les gens parlent comme un sampleur. Les gens parlent comme un sampleur. Qu'est-ce que tu disais quand les gens parlent comme un sampleur. Les gens parlent comme un sampleur. Qu'est-ce que tu disais quand les gens parlent comme un sampleur. Les gens parlent comme un sampleur. Qu'est-ce que tu disais quand les gens parlent comme un sampleur. Les gens parlent comme un sampleur. Qu'est-ce que tu disais quand tu bout en bas tu subissais. Je suis de l'époque de Sting et du marin des mers de Chine. Vous avez sorti tout ça sur le label Kérosène, Kérosène Music. Voilà. C'est votre propre label que vous avez fondé. Exactement. Ouais. Ça donne quoi aujourd'hui ce label? Il y a des sorties prévues? Bah, ce label, en fait, en gros, il a été créé par et pour la caution. Ouais. Et du coup, les trucs qui gravitent autour, comme je disais, les collaborations qui pouvaient être hyper fraîches au niveau humain, on leur a donné une vie grâce à ça, genre Crash Test, etc. Et du coup, la sortie principale qui est sur le feu pour Kérosène, c'est le prochain La Caution. Wow. Yes, qui serait prévu pour? Je pense qu'il arriverait pour la fin de l'année, début de l'année 2011. La fin de l'année 2010, début de l'année 2011. Bientôt, ouais. Bientôt, ouais. Attends, excuse-moi. C'est la Belgique. Hein, ouais, c'est dans le même état. Ouais, malheureusement, en ce moment. Et est-ce qu'on peut avoir deux trois infos sur cet album qui est en préparation? Quelques collaborations, par exemple ou... En fait, là, on n'a pas fini l'album. Okay. Les collaborations, c'est vraiment pas du tout le concept auquel on pense en tout premier en faisant un album de La Caution, justement, parce que ça te restreint dans là où tu veux aller de plus personnel. Et du coup, nous là, pour l'instant, il y aura certainement des collaborations. Ouais. Il y a plein de gens qu'on aime bien, qui sont autour de nous, et même qui ne sont pas autour de nous, et avec qui on a un bon feeling. Mais pour le moment, en fait, il n'y a pas de collaboration. Et peut-être qu'il n'y en aura pas aussi. C'est vraiment... En fait, on fait vraiment... nous, on prend vraiment ça comme un album. On fait de la musique, on fait notre album qui nous tient vraiment à cœur. On n'est pas dans l'espèce de calcul de avec qui tu es, avec qui tu parles, avec qui tu ouais. qui existe dans le rap depuis toujours. Ouais. Mais nous, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas ça du tout. Tu vois, par exemple, un album, j'en sais rien, n'importe quelle personne, comment, je sais pas quel exemple t'es donné, mais ta question là, tu ne la poserais jamais à Bob Dylan. Toute proportion gardée, je me prends pas pour Bob Dylan, okay, ouais. Mais tu ne la poserais, ça ne te viendrait même pas à l'esprit. C'est-à-dire que nous, on est dans le même état d'esprit quand on fait de la musique. C'est-à-dire que pour l'instant, honnêtement, je pense qu'il y aura des invités, mais okay. on s'en fout. On est vraiment dans la création la plus totale d'un truc ultra personnel, ultra La Caution. Et je pense que c'est ce qui est chambé, parce que, enfin, ce qui est chambé en tout cas en notre sens, parce que le mec qui va acheter ce scud là, ouais. Autant aujourd'hui là il peut acheter n'importe quel scud de presque toute musique, il sait que quand il va mettre play, il a une idée de ce à quoi il s'attend. Là je pense qu'il y a plein de titres où il n'aura aucune idée, il ne pourra jamais s'imaginer que c'est ce qui va suivre. Quand même. Et du coup c'est un peu ce concept là, et ça c'est restreint quand tu calcules en mode t'invites lui. Donc tu ne veux pas aller trop loin dans le truc, puisque lui il ne peut pas y aller. Donc on va d'abord loin dans notre délire, et après on verra s'il y a tel et tel qui est là, on gérera ça. Et du coup, tu parles de ton délire, de votre délire, d'une direction, et la direction de cet album, vous voulez plutôt vous aller dans la continuité de ce que vous avez fait les deux derniers, Arc-en-Ciel, Vord Daltonien, etc. Ou alors, voilà, un peu changer de cap, se barrer un peu plus en... Je sais pas, en électro, en rock, c'est des exemples à la con, mais Bah en fait, si tu regardes bien, nous on l'a fait depuis la fin des années 90. On utilise de l'électro, du rock, etc. Mmh. dans notre musique, même sans que ça soit. Là aujourd'hui, on est en plein boom de la mode un peu électro-rock, etc. C'est le boom. Mais nous, on était dedans avant, on n'a pas changé pendant. C'est-à-dire qu'on a toujours fait notre hip-hop, parce que pour nous c'est du hip-hop. Le hip-hop Def Jam de l'époque Rick Rubin, c'est soit des grosses grattes de rock qui est Goff Rock dans NDMC, ou soit des trucs très électro, You Talk Too Much, les Beastie Boys et compagnie, tout ça, Africa Bambaataa et tout. Donc nous on a été nourris à ça, inconsciemment, on recrache un peu ce qui nous... ce qui sont nos influences indirectes, on va dire, ce qui est resté dans notre inconscient et, et qui a construit notre oreille. Et du coup, aujourd'hui, je pense que c'est dans la continuité de ce qu'on fait, mais il y a un truc qui est spécial et qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, on ne sait pas se refaire. On n'arrive jamais à refaire... par exemple, j'ai réussi au bout de 2 ans ou 3 ans à refaire un T'es à la Monde 2. On va dire ça en gros, ce ne sera pas un T'es à la Monde 2, il ne s'appellera pas T'es à la Monde 2, mais un truc qui ressemble. C'est-à-dire que le truc, c'est une énergie d'un instant qui donne un morceau d'un instant. Ouais. Et ce truc-là est super intéressant parce que du coup, ça te permet toi d'hyper être... en contact avec ta musique limite, parce que tu te dis putain je suis un ouf, qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire ce truc, et tu sais très bien que tu pourras pas le refaire le lendemain, c'est aujourd'hui ou jamais quoi. Et du coup je pense que ce sera dans la continuité, tu reconnaîtras la patte, mais que ce sera encore différent de ce qu'on a fait quoi. C'est Tortoli et Arbatax, c'est Radio Panique, c'est 105.4, c'est formidable. Quel est mon pourcentage? Vos sondages, je m'en tape. Comme de Sky, du sondage. Nous au taf, on est d'astreint. Qui me clash, ça m'embrasse. Et il n'est plus de ce monde, donc c'est mort. Comme ce Borg, je me souviens plus son nom. Ligne et rime, une à une selon mes pièces maîtresses, une à une seulement. J'ai perdu tant de temps, j'ai vécu tant de plans. Je suis déçu dans le fond, c'est physique. Notamment maniaque, dépressif, au caractère dit dérangeant. Totalement parano, des stupes, c'est cynique. Allô jeune fille, bonne femme et petite serveuse, sage-femme, maîtresse, instinct, j'appelle de France, de Paris. Allô jeune homme, vieillard, enfant, arabe, renois, noix, chez Blavant, j'appelle de France, de Paris. Sécuritaire, l'intermède, militaire, tu es un mec inutile, me démontre. Planifier, vigipirate, à manifeste, inévitable, la patrie, si c'est vital et me contre. Internet m'intéresse, mais je reste interprète, acteur de ce monde. Tu passes ta vie sur une chaise quand tu navigues sur le net, plein d'avis sur une thèse, donc soit. Mais quand tu dévis sur une bête, tu trébuches sur une braise, une dévis sur humaine et tu boites. Dans l'éternel tourbillon de la glande, d'incessantes questions de ta honte. Est-ce que t'es bête ou c'est la bulle qui te nique les neurones? Pour pas que tu piques une crise de démence, statiste démonte. Est-ce que ça va? Appelle une ambulance. Allô jeune fille, bonne femme et petite serveuse, sage-femme, maîtresse, instinct, j'appelle de France, de Paris. Allô jeune homme, vieillard, enfant, arabe, renois, noix, chez Blavant, j'appelle de France, de Paris. Jeune fille, jeune homme, vieillard, enfant, je te dis que je note meilleur d'enfant. J'avance vite en parlant parfaitement le français et l'arabe. Comme au Malais, je suis avare, de Panama et Navarre. Je suis navré pour le navet qu'il vous sert, flex en France. Le poste et les enceintes à l'avant, ça me plaît, balade dans le mal de père. Pilote automatique pour un putain de crash, pas d'avantage de peine. Amalgame, on met blême, parano à la base, normalo, je dépense mon salaire dans la 16. En 85, j'aurais écrit Manastas, à l'instar de Run DMC inlassable. Je me demande si ma vie est un stage, je suis bénévole et on me soude la ganache. M'enlise dans la place de retour au Maroc. J'y retrouve ma place, mon sang, mes darons. Pareil que je suis vend l'usard comme un pit ou un rock. D'un point de vue anarchique, archaïque et baroque. Allô jeune fille, bonne femme et petite serveuse, sage-femme, maîtresse, instinct, j'appelle de France, de Paris. Allô jeune homme, vieillard, enfant, arabe, renois, noix, chez Blavant, j'appelle de France, de Paris. Allô jeune fille, bonne femme et petite serveuse, sage-femme, maîtresse, instinct, j'appelle de France, de Paris. Allô jeune homme, vieillard, enfant, arabe, renois, noix, chez Blavant, j'appelle de France, de Paris. J'ai une petite question justement en parlant des influences, etc. Mais ça change un peu de sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les influences, vous avez une émission de radio, les gars. Enfin, tu vas pouvoir en parler, c'est sur le Move. Ouais, le dimanche soir de 20h à 22h. Ouais, ça, je sais pas, pourquoi faire de la radio? Parce que vous avez un groupe de rap connu, etc. Et tout d'un coup, vous commencez à faire de la radio. On peut voir ça comme ça, mais c'est plutôt, en fait, nous, le nouveau directeur du MOUV, qui était fan de la caution de longue date, depuis qu'il travaillait à France Inter et compagnie. Et quand il a repris le MOUV, et lui, on a eu l'occasion de se recroiser plein de fois à des concerts et tout, et on parlait de musique très souvent. Et lui, bon, on échangeait sur de la musique dans le sens hyper large, ouais, avec des trucs hyper pointus des fois, hyper soft des fois, etc. Et le mec s'est dit que justement notre point de vue musical pouvait être intéressant à quelque part à avoir sur les ondes. Et il nous a proposé le truc. Et nous, on a trouvé ça l'idée hyper bonne parce qu'on s'est dit, tiens, on va faire pour une fois une généraliste, puisqu'on peut passer de tout. C'est une carte blanche, mais nous on la voit comme une sorte de généraliste. Mais en général, les généralistes, on dit dans le bon sens du terme, parce que généraliste en général, les gens pensent que c'est tu passes toute la soupe qui se vend en ce moment. Mais là, le concept c'était de faire une généraliste fait par des gens qui viennent du hip-hop. Ouais. En général, le hip-hop passe un peu dans les généralistes faits par des gens qui viennent de la pop ou du rock ou de la variété. Et c'est la première généraliste où nous, oui, on peut passer un morceau de pop sans problème. On peut passer un morceau hyper dark de dubstep et enchaîner avec un morceau, un set derrière où tu vas retrouver des trucs de variété française un peu plus impertinents que ce que la variété française fait aujourd'hui, etc. Mais des balavoines, des machins comme ça nous est arrivé de passer des France Gall, des trucs comme ça. Et t'avais un set avant où il y avait Cannibal Ox, tu vois. Donc c'est t'as ce concept là de d'espèce de, aujourd'hui t'as l'impression que les gens qui ont une bonne oreille, il n'y a plus assez de bonne musique dans chaque genre pour être que dans un genre. Ouais. C'est-à-dire que si tu es que dans le hip-hop aujourd'hui, au bout de trois artistes, c'est tari. Okay. Et du coup, tu peux pas être dans un genre pour trois artistes. Donc du coup, tu prends ces trois artistes là-bas, tu prends les trois artistes rock assez intéressants, les trois artistes électro, tout ce que tu veux, folk ou n'importe quoi. Et quelque part, c'est ça pour nous qu'on calcule comme les goûts modernes des gens. Et du coup, on essaye en passant la musique qu'on aime et la musique qu'on apprécie, de répondre à des gens qui auraient cette espèce d'ouverture vers la bonne musique, quelle qu'elle soit. Et en tant que... Je te laisse... Ce sera coupé au montage. Ouais. En tant que, vous aviez du coup une expérience un peu en radio ou que dalle, vous êtes arrivé, vous avez fait quelques tests ou Si tu veux, c'est un peu comme tu vois, Christophe Dugarry, c'est le meilleur consultant de football. Pourquoi c'est le meilleur consultant de football? Parce que c'était un joueur et qui sait de quoi il parle et compagnie. En gros. Ouais, mais que c'était pas le meilleur non plus. C'était pas le meilleur, mais par contre, le mec, je pense qu'on est des gens qui savons s'exprimer un minimum. On sait de quoi on parle, surtout quand on nous donne une carte blanche. On a fait des millions d'interviews en plein de langues en plus. Donc du coup, le fait de passer... Pour nous, on n'est pas des vrais animateurs radio. Nous, notre but, c'est on s'accomplit quand on fait de la musique. Mais effectivement, on va dire que là... On anime une émission de radio, mais c'est la caution qui anime une émission de radio. Si on n'a pas pris le ton, on n'a pas voulu changer de ton, on n'a pas voulu changer de truc, on s'arrête pas si on tousse, on s'arrête pas. Si tu veux, c'est vraiment. Nous on est vraiment dans un concept de tiens, une tribune qui s'ouvre à nous. Notre musique n'a pas beaucoup de tribunes sur un truc national. Ouais. Voilà quoi. Et les gens qui réagissent sur notre Facebook, sur tous ces trucs là, c'est ce qui kiffe, parce que justement les mecs hallucinent, se disent que ce nouveau directeur a eu des couilles de mettre il y a des morceaux qu'on passe nous qui jamais n'auraient mis les pieds sur une radio quoi, même spé, parce que les radios spé aujourd'hui à part te balancer JD à longueur de journée, j'ai rien contre JD, il y a des super bons morceaux, mais à un moment donné JD c'est peut-être un peu facile, tu vois, il y a très peu de machin, un Tyler de Creator, tu vas le trouver nulle part d'autre, là tu tapes, tu vas le trouver dans playlist, le move, la caution, machin. On s'en fout, c'est même pas une volonté initiale, c'est qu'en fait, c'est juste que ça vient comme ça. C'est qu'en fait, si le truc doit avancer un minimum, si le truc qu'on appelait hip-hop et qui aujourd'hui est à limite a été subtilisé discrètement par l'électro, parce que toute la créativité du hip-hop a été subtilisée par l'électro, et les gens sont comme ça, comme des fous sur un mec qui produit des trucs d'électro, alors qu'il utilise nos codes et nos manières de faire, et que normalement c'était ça le hip-hop, sauf qu'il n'y a pas d'MC dessus. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel... Il y a des monstrueux morceaux de dubstep, tu mets un rappeur dessus, c'est un monstrueux morceau de hip-hop. Et c'est juste que les mecs ont pris les trucs, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont arrêté, qui ont dit non, pas de sample de jazz, pas de sample de soul, ce n'est pas du hip-hop. Pete Rock a donné la formule, machin. Et c'est devenu complètement ridicule. C'est devenu complètement ridicule parce que tu as les hip-hop Kaira, les hip-hop jazz un peu classe, etc., qui ressemblent justement à ceux, aux aficionados de jazz, qui sont un peu classe, plus classieux, entre guillemets, les trucs, alors que il n'y a rien, tu vois. Il y a un morceau de Lil Wayne peut être aussi chambé qu'un morceau de je sais pas qui, de Red Café et Pete Rock. CZ64 qui surkiffe ce morceau en ce moment. Et là j'évoluerais même le truc à te dire qu'un morceau qu'un morceau de Dutron, tu vois, c'est si tu veux le fait de pas considérer notre musique, le hip-hop, comme de la musique à part entière, vient pas de nous à la base. Les acteurs du hip-hop sont toujours dit, putain, cette musique elle me fait vibrer, putain, cette musique elle défonce. Elle vient d'ailleurs, on s'est dit non, votre musique elle est sympathique parce que vous êtes dans des cités, vous avez mal et vous avez froid. Ça, les mecs ont pris ça pour argent comptant. Donc ils sont là à dire j'ai froid, j'ai mal, c'est bien mon morceau. Non, ton morceau c'est de la merde, c'est de la merde. Ton morceau il est bien parce que c'est de la bonne musique. Ouais. Et ce concept-là dans le hip-hop, on doit lui donner ni barrière parce qu'on vient d'une cité, ni barrière parce qu'on est soi-disant le mec qui a tous les disques de jazz ou de soul. Sinon, dans ces cas-là, Kanye West, c'est le roi du monde, alors que s'il fait une soupe incroyable, c'est le mec qui fait la plus grosse soupe. Il est là à Calvin. Les mecs comme ça ne peuvent pas être respectables dans le sens hip-hop originel de comment on a connu le truc. De très très bons morceaux, de très très bonnes productions sont faits par ces gens-là, mais il faut avoir un regard lucide. Si c'est ça l'esprit, si ils sont dit moi j'aime le hip-hop, j'écoute Kanye West, il y a un souci quelque part. C'est moi j'aime la musique de cet artiste, oui, mais le hip-hop c'est vraiment un concept d'esprit. Ouais. Un concept d'esprit qui est pas, je suis pas genre en mode en train de te dire ouais faut être Zulu King, faut être machin. Ouais. Non, c'est juste que c'est la seule musique qui est arrivée. Hein. Mec, t'as quelque chose à exprimer, exprime-le. Du moment que c'est bien, on en a rien à foutre. Tu veux sampler du rock, sample du rock. Ouais. Tu veux sampler de la funk, sample de la funk. Tu veux... Et nous, c'est pour ça que voilà, les mecs, ils les hallucinent quand ils voient, aujourd'hui, on est des hyper fans de Redman, par exemple, ils disent, ouais, putain, vous aurez plus vu sur un mec plus dark et tout. Je dis, mais non, mec, tu comprends, c'est pas comme ça que le truc est large. Le truc est large et c'est ce qui donne sa force, ce qui donnait sa force. Du coup, aujourd'hui, on essaye de perpétrer à notre humble niveau cette manière de voir les choses. Et avec justement le dégoût de tout ce qui est proposé, t'as plein de gens qui reviennent vers un esprit beaucoup plus direct. Cette musique me plaît, cette musique ne me plaît pas. Pourquoi cette musique me plaît? Parce qu'elle a de l'intérêt, parce qu'elle est recherchée, ou parce qu'elle est directe et marrante, ou parce que... Mais arriver à mettre des mots sur pourquoi ça te plaît, et en tout cas, avoir encore une dynamique un peu créative dans le hip-hop, quoi. J'ai un peu mal au vide, mais je voulais son téléphone. de masse d'aérien, le suicide collectif, abusif, comestible, à l'usure, je suis aussi psychiatre qu'un animal de compagnie. Je les entraîne à la pensée positive, cogite, humain, mécanisme intellectuel, folie triste, juste une violence gratuite et des plaintes perpétuelles, auditives, atroces, pénibles et pupeuses, ambiance atmosphérique et pluvieuse, place à série de la critique et le livre, ce qui n'est pas, c'est ton choix. Comme sur France 3, les M6 finissent à l'horizontale. Ils agissent de façon lamentable, mais ce n'est pas un match amical. On les punit, faisant de la meilleure musique. Et donc cet exercice, je me torche avec des lyrics. Eh ben la France, en même temps toute kitsch. Mais j'aime les Tex-Mex, le ketchup, les plaintes, ma bouche, les chattes moelleuses, douce et fraîche, qui kiffe ma française douce. Pousse le volume, change de level, esquive les mollusques, trappe la cresse. Salope, les marques de talons sur le capot du Nexus, wax salope. On bombarde les tracks, c'est la boulette. Mieux que le huc du top en sandalette. C'était un scandale pour certaines personnes, elles n'y comprenaient rien. Il ne faut pas boire de Coca-Cola dans le Saint Graal. Il ne faut pas partager le pain quand on a les mains sales, il paraît. Mais mon gros doigt m'a dit de te dire que ce n'est pas. C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Si je peux, en parlant d'éclectisme et notamment vu la... Parfait. Ah, les gars, passe dans 10 minutes, donc on va bientôt conclure. Je voulais juste te demander, toi qui parles d'éclectisme et qui a des musiques super variées dans ton émission sur le Move, de nous sortir 2-3 groupes ou qui te viennent là. Ouais, voire 2-3 titres. Ou 2-3 titres. 2-3 tueries. 2-3 tueries, alors... Ouais. On va faire un sur tes dernières 24 heures ou tu vois le Sarah de Tyler de Creator. Ouais. Le morceau s'appelle Sarah. I like my girls skinny with brains. I like my hoodies fucked with lame. I like my friends imaginary with no names. And I make music for the fuck of it, no fame. Aim, shoot, the gun of love, rounds. Try to find ammo, but it's none around town. So I went down south, but I ended up north. Up top, sitting on cloud nine's white porch. And of course, my car's off course. You're so right, my blinkers don't work. I'm trying to let the force be with you, I get you. Music is my first, but I contemplate divorce. You make a nigga sing songs nice. You make a nigga nighttime day. And you make the flower sing say turn gray yellow. Suck that I didn't get the chance to say hello. I wanna eat you out like jello. I mess with your body like the bass in a cello. And tell your mama I said hello. You wanna go to prom with nigga, hell no. Fuck. Shit. And another one. There goes another one. Another love song about shit. And I'll be rich if I get another diss. Or maybe Cupid won't miss. Another love song about shit. And I'll be rich if I get another diss. Or maybe Cupid won't miss. Maybe. Like her L-I-K-E. The only difference is she won't fuck with me. But she will fuck with that vegetable. With the airs full of X and O's. I wanna tie her body up and throw her in my basement. Keep her there so nobody can wonder where her face went. Hey, shut the fuck up. You gon' fucking love me, bitch. Le... On va prendre un truc plus classique justement pour le... Large on the streets de Vado. Ouais. Large on the streets. Large on the streets. Large on the streets. Vado. I'm large on the streets. Large on the streets. And every time I touch mic. Vidon. Every time I touch mic. You win. Every time I touch mic. Every time I touch mic. I'm large on the streets. See, I keep cream. I'm large on the streets. See, 'cause I keep cream. I'm large on the streets. See. Head start popping like who's this? Vital that dude spits, sharper than steak knives from Roof Chris. You hors d'oeuvres get toothpicks. I aim to shoot shit, sweep up your whole block, no broomsticks. Yeah, when I touch mics, I come right. They like sun nights, get thrown like hung nights. Every bar's a gunfight, get one strike. Coke like Tiger Woods, fuck with too much white. Huh. Proud dream, my style mean. Wish I was here, see the next thing. They crown king. This that swag that uptown bring. 4 pound swing, you be down before the sound ding. You ask me, you sound weak, you not a threat. Like all tests, I don't stand too far from the best. Crawl hard and best, nah, I ain't the hardest yet. It's a few artists left, words for them, God bless. Every time I touch mics, every time I touch mics, every time I touch mics, I'm large on the street scene. I keep cream, I'm large on the street scene. Cause I keep cream, I'm large on the street scene. I keep cream, I'm large on the street scene. Every time I touch mics, I'm large on the street scene. Live performance hit the stage, no encore. A wildcat that can ball like he John Wall. Get cross, big cross, wearing like John Paul. No pope, pure dope, got it inside walls. I cop ounces from the hill, uptown and down the block from where Malcolm was killed. Street bill, could tell the album is real. Numbers could go on heads, that's just how a nigga feel. Tight if you want, you up a fighter, get jumped. If I was in hell, I have Satan like me a blunt. Got a variety, if it ain't the tray, it might be the pump. Dig a hole for all his kids, throw whites in the trunk. Fuck life, I fear nothing. You nice, let me hear something. I'm like a Mack truck, you a deer running. Straight roadkill, I don't care buzzing. My name in the air buzzing. Cops flooding the block like the mayor coming. Every time I touch mics, every time I touch mics, every time I touch mics, I'm large on the street scene. I keep cream, I'm large on the street scene. I know. Cause I keep cream, I'm large on the street scene. I know. I keep cream, I'm large on the street scene. Why? Time I touch mics, I'm large on the street scene. $10 bag is a dime, a bad bitch that's fine. Got work on the strip, you grind. See a nigga, you say slime. Locked up, you got time. Coke, you got lines. Deal, you got sign. Stop at five, you all talk. Singles, we call shorts. It popped off, means we all fought. Cotton club dogs, y'all all soft. Blocks, that's boardwalk. Shipping you up top, that's up north. One time means fuck off. Or say it before you hang up the phone. Dap your man and walk off. A hot car's a toy, your cop car's the boys. We call Nike shots the boys. Loose change is coins. Gunplay, you shoot things with noise. Say you wearing bang bang, mean your chain is moist. You like the way I deliver it. I talk for Harlem, I would never stop kicking it. Vada. Et on va prendre un truc complètement rien à voir, mais monstrueux au niveau de la prod, qui est un mélange, qui est une sorte de Madonna du futur, qui s'appelle Cat Call. Le morceau, c'est Swimming Pool. Ok. Ok, bah Simer, on va du coup les passer sous tes bons conseils. Ouais, tu verras le Swimming Pool, en tout cas pour ceux qui produisent, il y a un Moog extraordinaire dessus, t'as l'impression qu'il y a des mecs de funk qui ont été ressuscités pour venir jouer sur le morceau. énorme. Pourtant c'est très difficile de refaire de la funk aujourd'hui sans tomber dans le cliché dégueulasse et la dance un peu horrible. Et franchement voilà, en tout cas ces trois morceaux sont hyper lourds et c'est le genre de trucs que tu peux retrouver dans notre émission. Et voilà, je te dirais même pas que c'est parce qu'on a des influences, comme tout à l'heure on parlait d'influence. Notre émission, en fin de compte, c'est celle où on a réussi à sortir de nous et redevenir des auditeurs. C'est très difficile d'être compositeur et auditeur. Parce que tu as l'impression de tout entendre en termes de compositeur. Et c'est super relou parce que des fois tu prends moins de plaisir. Ou alors des fois tu écoutes 8 mesures d'un morceau, t'as pas besoin d'écouter plus. Ouais, là on a réussi à le faire parce qu'en réalité, nous, on n'arrivera même pas à mettre de la caution d'où ça vient, pourquoi cette musique. Ce qu'on est sûr, c'est que de 7-8 ans à 16 ans, tout ce qu'on a écouté indirectement, ça a créé notre oreille. Ouais. Et voilà pourquoi on fait ça. Et autant en lyrics, c'est pour ça qu'on va chercher des manières de rimer, des manières que les gens, quand on est arrivé, nous ont dit c'est compliqué ce que vous dites et tout ça, etc. Et que se démocratise de plus en plus avec le temps, parce que les gens remarquent qu'en réalité, un rappeur technique, c'est un mec qui fait ce que toi tu ne peux pas faire. Si tu peux faire ce qu'il fait, c'est qu'il est nul. C'est personne. Si toi tu joues au foot et tu peux faire ce que Ronaldinho fait, c'est que Ronaldinho n'est pas bon. Je pense que c'est impossible de faire ce que Ronaldinho fait pour un mec de district. Et du coup, nous, c'était notre game à nous. C'était que toi, t'es là, t'es dans ta SMJ, ou t'es chez toi, ou t'es n'importe où. Bah, écoute, si t'arrives à faire ce que tu te fais, chambé, et c'est toi qui mériterais d'être sur disque et pas nous. Nous, on sort du disque, on sort de tout ça. On n'était pas là pour vraiment. Enfin voilà, l'esprit originel, c'est-à-dire un Lego trip dans le bon sens du terme, et voilà, la caution, c'est. Smashing my passion, c'est, bah, c'est ça. Oui, pourvu que ça dure. On va pas trop abuser, on va vous laisser. Bon concert. Merci pour l'interview. Merci à vous et à la prochaine. À la prochaine. Bah, je pense qu'on repassera à Bruxelles avec le prochain album. Ouais, j'imagine, il y en aura une tournée et tout. Ouais, il y aura tout ce qu'il faut. Le prochain album sera solide. Donc à mon avis, ça fait 5 ans qu'on tourne sur le dernier. Je pense qu'on aura quelques années sur celui-là. Ouais. Cool, merci. Bonne soirée les gars. Salut, ciao. Ciao. De retour, vous écoutez Tortoli et Arbatax sur le 105.4 ou sur radiopanique.org. Yes. C'était donc l'interview de la caution, enfin en découpé, intercoupé de playlists que Nick Fury nous a gentiment glissé. Voilà, les trois derniers morceaux qu'on s'est écoutés, on n'a pas eu le temps de les présenter, mais Nick Fury l'a fait lui-même. C'était Tyler the Creator avec le morceau Sarah. C'était Large on the Streets de Vado. Et juste avant, là, c'était Swimming Pool de Cat Call, présenté par Nick Fury comme la future Madonna. Yes, Madonna australienne. Australienne, oui. Ouais, oui, exact. Et dans les sons de la caution qu'on a passé, il y a eu comme un sampler, il y a eu pilote automatique et puis il y a eu pas d'armure avec TTC. Ouais, et Dose One. Exact. Et Dose One, voilà. Merci à Nick Fury d'avoir répondu à nos questions. Nick Fury qui d'ailleurs est connect sur Facebook en ce moment et qui nous a lâché un petit j'aime, un petit I like sur Facebook. Donc dédicace à toi Nick Fury. Merci pour l'interview. Cher auditeur, bah écoutez, hein, ouvrez vos yeux et vos oreilles, hein, surveillez la sortie du prochain album de La Caution annoncé pour cet hiver décembre ou début 2011. Voilà. Et il serait l'heure de quoi là? Il serait l'heure de l'agenda culturel, comme toutes les semaines, l'agenda culturel de Bruxelles. Tu veux peut-être un petit jingle ou... Si ça pourrait m'aider à me lancer, ouais. Là, t'es bien. L'agenda cul. L'agenda turel. L'agenda culturel. Draou. Ouais, sur la petite instru de thé à la menthe, vas-y, calme-moi ça. Très bien. Juste, donc qu'est-ce qui va se passer cette semaine sur Bruxelles? On va se faire un petit mix de concerts, d'expos, de choses comme ça. Ça va commencer peut-être avec une question de Guillemette. Une question de Guillemette. Notre jingleist. Fameuse. On l'a pas bien entendu. On l'a pas bien entendu. Bing. Et les gars qui comptaient ce soir juste après. Eh ben ça valait bien le coup de la remettre puisque y a rien ce soir. Merci, très bien. Et les enchaîne. Gars qu'on fait demain. Oui, demain, il y a Soliloquist of Sound. Yes, Soliloquist of Sound. Voilà, un quatuor originaire de Floride qui a été découvert par Sage Francis qu'on a passé il y a quoi, une semaine, deux semaines. Ouais. Parce qu'il était passé au Botanique. Exact, et pareil, Soliloquist of Sound passe ce mercredi, soit demain. On peut faire une petite... je peux te faire écouter un petit... Vas-y, bout. Bien sûr, vas-y. Tu vois, ça donne un peu ça. Je connais, parfait. Yes, donc voilà c'est ça. Soliloquist of Sounds qui présentera son nouvel album No More Heroes, qui va du funk au dubstep, de l'afrobeat, avec des voix un peu jazzy, beatbox, enfin exactement ce qu'on entend là. On va passer à jeudi. Yes, jeudi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Jeudi, oui. Jeudi c'est l'ouverture, enfin c'est le vernissage de l'exposition Gilbert et Georges au Palais des Beaux-Arts. Une exposition donc qui commence jeudi 28, qui se tiendra au Palais des Beaux-Arts jusqu'au 30 janvier 2011. Donc il y a le temps. Gilbert et Georges, pour ceux qui connaissent pas, c'est deux Anglais qui font des photomontages ultra colorés, donc qui sont assez connus pour ce travail de photomontage un peu comme des vitraux. Là ils présentent des nouvelles œuvres qui sont exactement 153 en fait. fait, elles ont été présentées depuis 2009 dans différentes galeries, différents musées européens, et pour une seule fois là, elles sont, et pour, peut-être pour la dernière fois, elles sont regroupées au Palais des Beaux-Arts. Au Palais des Beaux-Arts. Ça s'appelle Jack Freak Pictures. Ok, c'est jeudi, voilà, ça. Voilà, c'est jeudi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi pour commencer bien le week-end? Vendredi, pour ceux qui n'ont pas peur de sortir de Bruxelles, il y a KRS-One qui joue à Gand. Ceux qui n'ont pas peur. Voilà, ceux qui n'ont pas peur d'aller en Flandre, au Vauruit, la salle de concert de Gand. Il t'en coûtera 27 euros. C'est à partir de 21h KRS-One pour The Gospel of Hip Hop Tour. Vendredi. Et puis vendredi sur Bruxelles, il y a Goran Bregovic et The Wedding and Funeral Band qui jouent au Théâtre National dans le cadre du Festival des Libertés. Donc ça, c'est frais. Ils seront accompagnés juste après de Scarbonne 14, et ça, c'est gratuit. Ok, samedi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi? En mode Saturday Night Fever? Bien sûr, en mode Saturday Night Fever, mais là, il faudra faire vos propres soirées, puisque c'est Halloween, donc j'imagine que tout le monde a sa petite soirée déguisée, bien calée, avec ses amis, donc rien samedi. Tout naze. Et les gars, à partir du dimanche et la semaine après, il y a des trucs. Dimanche, nada. J'ai failli couper guillemette. Ah, j'ai failli couper guillemette, entre guillemettes. Nada. Et lundi, par contre, lundi, il y a rendez-vous à Boxtal pour tous ceux qui veulent fêter l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Kébir. Ce sera au programme, je donne le programme. Il y aura défilé de Nadia. On ne sait pas ce que ça veut dire. Concours de femmes. On ne sait pas ce pareil, que ça veut dire. Très mystérieux. Ticket surprise pour tous. Conférence sur le thème du pèlerinage. Vente d'articles artisanaux. Il y aura une garderie pour les enfants. Il y aura aussi une vente de décorations, une brocante, un buffet varié avec possibilité d'emporter. Enfin, tout ça, ça te coûtera 3 euros. Et en fait, c'est pour permettre aux démunis ainsi qu'aux orphelins de pouvoir acheter leurs moutons. Bah oui, ce qui est normal. Voilà, donc c'est lundi 1er novembre, rendez-vous à 13h à la salle Bordeaux, en deux mots, hein, les Bordeaux, au boulevard Émile Boxtal, au numéro 93, voilà, arrêt métro Boxtal. Merci Arbatax, voilà, pour ce petit agenda culturel. Voilà, parfait. On touche déjà à la fin de cette émission. On touche du doigt à la fin de l'émission. Moi, je me penche, je touche le mur, on est à la fin, et c'est Tortoli Arbatax. Comme tous les mardis, vous nous retrouverez de 17h à 18h la semaine prochaine. C'était une spéciale La Caution que vous avez peut-être pu réécouter en différé ou en live. Voilà. Je ne sais pas. La playlist ainsi que toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio Panique et également sur radiopanique.org. Sur le Facebook. Sur le Facebook, ouais. Si tu veux bien me balancer un petit Grégory Isaacs pour finir l'émission, puisque ce sera le classique de la semaine, le morceau Night Nurse de Grégory Isaacs, ce reggae lover qui nous a quitté hier, le 25 octobre. Il avait 59 ans. Grégory Isaacs, aussi surnommé The Cool Ruler, Dapper Slapper ou Jatus, la dent de Jah, la dent de Dieu. Il était même surnommé Hitler pour sa main de fer et dans un gant de velours. Sa relation avec les musiciens, apparemment il était assez dur, donc certains le surnommaient aussi Hitler. Mais extrêmement respecté en Jamaïque, vu comme un des mecs qui restait vraiment à la source et un des puristes. Exact, voilà. Un des puristes, un pionnier du style Lovers Rock, c'est-à-dire vraiment Roots Love. Voilà, donc on va se terminer l'émission sur Grégory Isaacs tranquillement. Yes! Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 17h, ce sera juste après Dr Quest qui lui mixe de 15h à 17h et juste après nous Djiboutique. On déboule juste après, ce soir c'est Djiboutique qui enchaîne derrière nous, ce soir Hubert est en solo, Emmerich n'est pas là et voilà, on va leur laisser la parole et donc merci à tous d'avoir écouté cette émission, merci à Nick Fury de nous avoir accordé une petite interview, merci à tous ceux qui aiment le son. Et merci voilà. À tous ceux qui aiment Tortoulière Batax et n'oubliez pas de voter pour l'expression de la semaine. Soit ça fait zizir, soit la filili. Voilà, toutes les infos, radiopanique.org ou le Facebook, Tortoli et Arbatax. Allez, bonne soirée à tous, ciao. Allez, Tortoli. Ciao mec. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse. Only you alone can quench this thirst. My night nurse. Oh gosh. Oh, the pain is getting see no doc. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse, only you alone can quench this your thirst. My night nurse, all the pain is getting worse. I'm hurt by love. Around the clock. Thought there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse, only you alone can quench this your thirst. Can cure.